venir, ni au pilule ne pas dormir. Je crois pas aux 14 février, ni au combat des ouvriers. Pas aux rembourgeois, ni aux patates au chocolat. Ni à ma droite sur l'enzyme. Ni à la mort de James Dean. Ni à la chapelle de Sixtine. Aucune culture n'a besoin. Exemple qu'on donne aux enfants. Mais comme les jeunes mecs sont à moi, lance-moi pas au Smith-Cola. Je vois pas la science, ni un temps de partie de patience. Jamais cru qu'il y ait un futur, ni aux accidents de voiture. Crois pas aux frigidaires, ni aux vrais portraits de ta mère. Ni aux sandales de Jésus-Christ. Ni à combattre la carie. Ni même à pied des sangliers. Exemple qu'on donne aux enfants.